Bonsoir à toi, ami auditeur, et merci de me rejoindre pour ce 8e Esprit Libre dont je souhaitais changer la présentation. Jusqu'à maintenant, je faisais l'animateur bas de gamme, fin de série, et comme ce n'est pas mon métier, j'étais et je reste nul à chier. J'ai une voix douce et ma présentation doit aller en accord avec celle-ci. Le contraste entre ma façon de faire et la musique que je vous propose peut être intéressant. Je n'ai jamais eu grand-chose à dire, je suis réservé et déjà là j'en dis beaucoup trop. Pour démarrer cette émission, je vous propose une première partie 100% française avec Les Bérus et le morceau Pavillon 36. Gogol premier avec Je bois et je suis le roi. Et pour commencer cette première partie, rien de mieux que Les Garçons Bouchers avec La Bière. Merci à vous de me suivre, vous écoutez L'Esprit Libre. Ça, c'est un excellent hamburger. Vincent, tu connais les hamburgers de Big Kauna? Tu veux goûter? C'est vachement bon, hein? C'est pas fin. Si t'es amateur, je te conseille de les essayer un jour. Moi, j'en achète rarement. Ma copine est végétarienne. Alors, pratiquement, je suis végétarien. Mais, de temps en temps, un bon hamburger... Viennent porter les quantités. Tu peux crier, tu peux pleurer. Il y a des murs pour t'écouter. déconnecté, prostré sans mon reste accroupi. Ici vous êtes un adjectif, quartier des crimes thérapeutiques. Parlez en français, dans ce cabinet. Parlez en français, je suis un animal. Parlez en français, électro-canibal. Parlez en français, la mort me sera brutale. Nyer, nyer. Nyer, nyer. On se dépasse en Thaïlande. Au pavillon des oubliés, des malades ont des chalotés. Alors messieurs les piscopies, qu'attendez-vous pour dénoncer? Vous qui voulez de l'exotisme, l'enfer est là sous notre nez. Parlez en français, je veux pas être oublié. Parlez en français, ma porte est activée. Parlez en français, ma tête a explosé. Parlez en français, tous électrocutés. Nier, nier. Les électrochocs font le reste. Si pour vous c'est pas de la torture, alors Pinochet est tout fait. C'est vrai qu'ici y'a des ordures qui finissent par dire des putains. Parlez en français, comme ça fait mes bichales. Parlez en français, je suis un animal. Parlez en français, électrochalibal. Parlez en français, la mort me sera brutale. Nier, nier. Nier, nier. On se dépasse. C'est dans la banlieue de Paris qu'on applique la démocratie à grands coups de lobotomie. Non, ce n'est pas en Thaïlande. Excusez-moi, j'ai envie de rendre. Pour te guérir, on te détruit. Quelle pourriture la psychiatrie. Parlez en français, je veux pas être oublié. Parlez en français, je veux pas être enfermé. Parlez en français, je veux pas être oublié. Parlez en français, je veux pas être enfermé. Quand j'ai pas d'inspiration, quand le monde me prend pour un con, quand y a plus rien d'autre à faire, quand on me regarde de travers, alors je bois et je suis le roi. Alors je bois et je suis le roi. La suite. Quand y a loyer à payer, la piste du chat à ramasser, quand y a plus rien à fumer et que personne veut me câliner, alors je bois et je suis le roi. Alors je bois et je suis le roi. Dites donc, mon brave, vous croyez que vous allez faire un tube avec ça? Eh, laisse tomber, elle vient boire un coup. Quand y a trois gonzesses dans mon lit, je peux pas me forcer quand j'ai pas envie. Je me plonge sur ma machine à écrire, mais elle, elle a rien à me dire. Alors je bois et je suis le roi. Passé midi et que la fête, ben elle est finie. Je je mets une cartouche dans mon revolver. Mais j'ose pas le faire. Alors je bois et je suis le roi. Alors je bois et je suis le roi. Alors je bois et je suis le roi. Je trouve que l'on sous-estime un peu trop le rock français et je m'engage à en mettre un peu plus dans cette émission. Pour la deuxième partie, vous allez pouvoir retrouver Santana et Mother's Daughter, Eric Clapton avec Cocaine, mais débutons la deuxième partie avec Ozzy Baza et le titre Sunshine Day. Bonne balade musicale, vous écoutez l'Esprit Libre. J'ai été dans un lycée professionnel. J'ai marqué Collège Royal d'Édimbourg parce que ça marque mieux. D'ailleurs, il y a trop de discrimination entre les bahuts. C'est vrai, après tout, c'est toutes des écoles. Non, on est tous faits pareil, hein. Je trouve que l'important, c'est l'idée générale. C'est pas les détails qui comptent. La plupart des gens, ils sont carrément obsédés par les détails. À quelle école t'as été? Combien d'options t'as choisi? C'est peut-être 6 ou, je sais pas, 0. Aucune importance. Ce qui est important, c'est que je sois là. Un point, c'est tout. Monsieur Murphy, vous voulez dire que vous nous avez menti dans votre curriculum? Non. Enfin, si. Everybody, do what you're doing. Smile. got no time for fooling with you, baby. Your stupid game is about to end. You played it out, thought you had it made. And it looks like someone passed you by. We'll be right back. Nous arrivons en fin d'émission et me reste la troisième partie à vous présenter. Stevie Ray Vaughan et Double Trouble pour le titre The House Is Rockin'. Michael Schenker Group avec Don't Die On Me Now vous attendent, mais débutons cette troisième partie avec Free et le titre All Right Now. Vous écoutez l'Esprit Libre, merci à vous. Je sais que je n'ai pas le pouvoir de changer le passé, maman, mais je veux que tu saches que je t'aime et que je regrette. Tout ce que je veux, c'est ton bonheur. Alors, je t'offre un nouveau poste de télévision. On viendra te le livrer après-demain. Il vient de chez Messi. Oh. Oui. Oh. Ton père serait tellement heureux s'il pouvait voir ce que tu fais pour ta mère. She stood in the street, smiling from her head to her feet. I said, hey, what is this? Now, baby, maybe, maybe she's in need of a kiss. I said, hey, what's your name, baby? Maybe we can see things the same. Now, don't you wait, oh, hesitate. Let's move. All right now. All right. said love, Lord above. Now he's gonna trick me in love. All right now, baby, it's all right now, yeah. All right now, baby, it's all right now. All right now, baby, it's all right, yeah. All right. from inside. Essence of fire from lips of a liar. Shaking and blurring what's wrong or what's right. Cette émission touche à sa fin, mais vous commencez à la connaître. Elle ne se terminera pas sans son titre bonus. Et ce soir, le titre en question, c'est le groupe Atlanta Rhythm Section avec le titre Outside Woman Blues. Je vous souhaite une excellente soirée, puisque l'Esprit Libre est enregistré dans la nuit. À ma montre, il est 22h39. Encore merci et n'oubliez pas que la musique soit avec vous et avec votre esprit. Amen. So dark.